Bosco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 1er mars 2019. Voici les grands titres de cette édition. Un élève a été tué, 6 autres ont été blessés, dont un cas grave, dans un accident de roulage survenu ce vendredi matin à la 2e avenue. Nous sommes en zone urbaine de Moussaga et 9 sociétés coopératives opérant dans le secteur café sont rayées de la liste de ceux qui vont acheter le café au Burundi au cours de cette campagne café 2019. Ces sociétés sont sanctionnées notamment pour non-rapatriement des devises. Notre correspondant nous donnera d'autres précisions. Et l'orientation des partis politiques importe plus par rapport à leur multiplicité et même leurs projets de société qui souvent se ressemblent trop. On aura l'analyse dans Politologue et dans la chronique environnement à la fin de cette édition. On parlera des conséquences de l'acidité des sols. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, un élève a été tué, 6 autres ont été blessés, dont un cas grave dans un accident de roulage survenu ce vendredi matin à la 2e avenue de la zone urbaine de Moussaga. Le chauffeur d'un bus de transport en commun aurait perdu le contrôle de son véhicule, dont le système de freinage a lâché et a fini par heurter le portail de l'Ecofond Moussaga 3. Le président du comité de gestion de cette école demande la mise en place de panneaux de signalisation et des dodanes pour prévenir les accidents. Suivez Venant Wizimana, c'est le président du comité de gestion de cette école. Tôt ce matin, c'était à 7h15, il y a eu un accident de roulage, et précisément avec un bus de marque IAS. Il a cogné 4 élèves d'ici à l'Ecofort 3. Il a cogné également 2 élèves, 1 de l'Ecofort 1 et du lycée municipal de Moussaga. Donc, un élève de l'Ecofort 1 a succombé sur le champ. 4 élèves d'ici sont blessés, mais dont un grièvement blessé. Immédiatement, on croit qu'il faut mettre des dodanes. Il faut aussi qu'il y ait la police de la protection civile pour réglementer le passage des véhicules et des élèves. Dans les médias, il faut aussi construire une sorte de mur qui protège l'école afin que s'il y a des cas d'excès de vitesse, pour que ces murs protègent les enfants et les passants. Et la multiplicité des partis politiques et un des projets de société trop semblables ne constitue pas un problème pour la démocratie au Burundi. C'est le point de vue du docteur en sciences politiques et spécialiste des questions des partis politiques et des élections, Denis Vanchimiou. Selon lui, l'essentiel, c'est l'orientation des 10 partis. Les élections ne sont pas les seules visées pour tout parti politique. Normalement, tout parti politique a dans sa mission plusieurs autres fonctions, dont la socialisation politique, dont l'agrégation des intérêts, dont le fait d'être intermédiaire entre la population et les pouvoirs publics. Donc, même si apparemment tout le monde pense que les élections sont l'unique fonction dévolue au parti politique, il n'en est pas ainsi. C'est vrai que c'est un moment crucial. Mais le moment électoral doit être considéré comme le couronnement de toute une activité quotidienne pour les partis politiques. Le parti politique a le devoir d'aller enseigner, d'aller faire la socialisation politique sur le terrain, d'aller faire ce que nous appelons une animation politique locale afin de dévoiler son programme, afin de critiquer le gouvernement si jamais c'est un parti politique de l'opposition, afin de montrer où il en est au niveau de ses réalisations si jamais c'est un parti qui est au pouvoir. Donc c'est toute une série d'activités pour tout parti politique et le moment électoral n'étant que le couronnement. Nous avons ce dernier temps entendu des hommes politiques qui auraient tenté de faire agréer les partis et se lamenter. Quel est le but finalement? Les partis sont fondés pour aller aux élections. On a entendu qu'il avait tenté sa requête en 2014, c'est-à-dire à la veille des élections de 2015, et qu'il recommence en grande pompe en 2019 à la veille des élections de 2020. C'est une erreur d'appréciation ou c'est une erreur qui se remarque chez les fondateurs des partis politiques en Afrique en général et au Burundi en particulier. On essaye de confiner les partis politiques à la seule activité électoraliste. Or, l'objectif d'un parti politique n'est pas que électoral. C'était Denis Vanchimiou. Ça voudrait bien nous excuser pour cet élément sonore que nous n'avions pas Comme on dit, qu'à cela nous tienne, on parle maintenant infrastructure. Les maisons qui sont en train de s'effondrer dans le quartier Gikongo de la zone urbaine de Guiochan ont été érigées en violation de la loi, d'après le président de l'Association des Amis de la Nature. Ambassadeur Albert Mbonerané appelle ses habitants de Gikongo de déménager vers d'autres localités et au gouvernement de venir en aide à cette population menacée par un ravin qui est à l'origine de ces désagréments. Suivez-le au micro d'Arthur Karaouche. Quand vous voyez la situation que traverse la rivière Nyenzari, c'est en amont de la rivière Ntahangwa. Si vous êtes du côté de Mukoboka, Mutanga Sud, vous regardez en face, vous allez voir justement le quartier de Gikungu qui est au bord de cette rivière. Les gens m'avaient alerté pour dire qu'est-ce qu'on peut faire devant cette situation. Moi, j'avais dit que c'était vraiment difficile parce que quand vous quittez le quartier Buyenzi en face de Ngagara, vous montez Mutanga Nord, Mutanga Sud, etc. Vous voyez qu'il y a des menaces d'effondrement des berges de la rivière Ntahangwa. Pourquoi ? Parce que quand on continue à construire n'importe comment au bord de cette rivière, par ignorance, la situation sera difficile à gérer. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu me dire, finalement, la situation est grave. Il y a des maisons qui viennent de s'effondrer dans cette rivière. En ce moment, qui serait responsable de cette situation ? Il sera difficile de dire qui est responsable parce que nous sommes dans la ville de Bujumbura. Les premières personnes concernées devraient être les cadres de l'État, de la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat. Mais quand vous allez dans ce quartier Gikungu, on va vous dire que c'est Gikungu rural. Donc, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas concernés parce qu'il n'y a pas eu de viabilisation, etc. Les gens ont acheté peut-être des parcelles, d'autres vivaient là-bas. Ce sont des domaines familiaux. Et là, ça devient difficile aujourd'hui. Mais il n'y a qu'un seul responsable, c'est le gouvernement burundais qui devait venir en aide à ces ménages qui sont dans des difficultés. Albert Mbonerané, c'est le président de l'Association des Amis de la Nature. On parle maintenant des droits des enfants. Il s'observe au chef-lieu de la province Makamba, un petit commerce ambulant des produits comestibles exercés par de petits enfants. La plupart ont abandonné l'école suite à la précarité de la vie dans leur famille. Certains parents contactés jettent le tort à ceux qui les emploient. L'administration communale de Makamba déclare de son côté avoir commencé à lutter contre cette exploitation des enfants, mais reconnaît dans le même temps qu'il n'est pas du tout facile de les faire retourner chez eux. Jérôme Hakizimana. Ces enfants qui sont des vendeurs ambulants des produits qui peuvent être consommés sur place, dont les écuis, les arachides, les boulettes et les ananas, la majorité de ces derniers ont l'âge allant de 10 à 15 ans. Presque tous ont quitté le banc de l'école, mais suivant différentes causes. J'ai 13 ans, j'ai manqué l'uniforme. Mes parents ont manqué les frais scolaires. Moi, j'ai échoué. J'ai vu mes amis venant dans cette ville de Makamba étant devenus gros. Et moi aussi, j'ai voulu devenir comme eux. La situation n'est pas du tout bonne. Je touche 10 000 francs par mois. En exerçant son travail, ajoutait-il, ils font face à quelques problèmes. Nous ne vivons pas dans de bonnes conditions. Certains de nos patrons ne nous donnent pas notre rémunération mensuelle parce que nous sommes encore des petits enfants. Quelquefois, les œufs tombent par terre et je dois combler cette perte dans ma rémunération mensuelle. Certains d'entre eux regrettent d'avoir abandonné l'école et affirment qu'ils peuvent y retourner s'ils trouvent l'assistance. Il demande à l'État et aux âmes charitables de leur venir en aide. Je demande à l'État de nous aider pour retourner à l'école. J'aimerais vraiment être à l'école. Moi, je ne demande à l'État qu'il y ait des matériels scolaires et l'uniforme. Bukuru Fabrice fait son commerce ambulant des écuis en même temps qu'élève en quatrième année. Il dit qu'il ne quittera pas le banc de l'école. Il ajoute que ses enfants qui font son commerce ambulant peuvent adopter d'autres mauvais comportements au cas où qu'ils constatent que le réel est différent de l'idéal, car certains peuvent craindre même de retourner chez eux. Ils peuvent devenir des voleurs ou les enfants de la rue qui circulent en volant ce qu'ils voient d'auprès. Certains parents se lamentent de la vie de tels enfants et jettent le tort à leurs patrons qui eux-mêmes sont instruits. Ça nous choque vraiment. Ces enfants devraient être à l'école. Même leurs patrons ont passé eux aussi sur le banc de l'école. Je me demande comment peuvent-ils donner de l'emploi aux tels enfants au lieu de prendre part à leur expliquant l'intérêt de l'école. Selon moi, on devrait les blâmer. L'administration communale à Makamba dit avoir déjà commencé à lutter contre cette exploitation faite à ses enfants qui devraient être à l'école et ajoute que plusieurs d'entre eux ne sont pas natifs de cette commune. Japhet Nungwanayo explique qu'ils ont même songé à les faire retourner chez eux, mais que ce projet nécessite beaucoup de moyens et demande le soutien pour son exécution. Jérôme Hakizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme. La récente réintégration des enfants de la rue dans leur famille, entreprise par le gouvernement, n'a pas réussi puisque ces enfants n'ont pas tardé à retourner dans la rue. David Ninganza de l'organisation Soje Paye, luttant pour les droits des enfants, estime que pour réussir cette politique, il faudrait que tous les partenaires se mettent ensemble pour analyser les causes qui poussent ces enfants à fréquenter la rue avant de les acheminer dans leurs familles respectives. Suivez plutôt David Ninganza. Vous comprenez, quand vous prenez l'enfant et le déposez à la maison, ce n'est pas une solution. La solution, c'est comprendre pourquoi il est devenu vulnérable jusqu'à embrasser la rue. Alors, la pratique qui a été effectuée, je pense que ce n'était pas vraiment une pratique adéquate, une pratique qui devrait rassurer que les enfants restent à la maison, parce que et les organisations, et la police, et le ministère de la Solidarité, je pense qu'on n'a pas étudié à fond la cause pour chaque enfant, pour pouvoir réintégrer l'enfant, soit avec un paquet retour, soit avec l'assistance de ses parents, de ses proches ou bien des tuteurs. Je pense qu'il faut aussi prendre le temps nécessaire de mûrir suffisamment la question des familles d'accueil pour les enfants orphelins de père-mère. J'en profite alors pour lancer un appel vibrant aux administratifs et à la base, aux parents, aux organisations de la société civile et au gouvernement de s'asseoir pour trouver une solution sage et pacifique pour éviter de prendre des mesures prématurées ou bien répétitives. C'était David Ninganza de l'association Soje Paye qui lutte pour les droits des enfants. En bref, l'actualité nationale, 900 postes téléviseurs et 6000 décodeurs Star Times ont été offerts par la République populaire de Chine dans son projet intitulé « Accès à la télévision satellite pour 10 000 villages africains ». Ces dispositifs ont été distribués dans 300 zones rurales burundaises par l'entreprise Star Times. Le directeur du service marketing de cette entreprise indique que les personnes en milieu rural vont bénéficier des programmes de la télévision nationale ainsi que d'autres chaînes étrangères grâce à ce projet. Et trois hôtels, à savoir l'hôtel Club du Lac Tanganyika, Royal Palace et Bel Air, ont été classés dans la catégorie 5 étoiles parmi plus de 60 hôtels visités. Lors de la proclamation de la classification des hôtels, le ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Hôtellerie, Jean-Marie Niokindi, a indiqué que la taille d'une chambre, la capacité d'accueil d'un hôtel sont parmi les critères de classification. Il fait savoir que ce classement vise l'amélioration de la qualité du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que la visibilité du pays. Et 9 sociétés coopératives opérant dans le secteur du café sont rayées de la liste de celles qui vont acheter le café au Burundi au cours de cette campagne Café 2019. Ces sociétés sont sanctionnées suite au non-rapatriement des devises, le non-paiement des caféiculteurs ainsi qu'au manquement de versement des taxes communales durant la campagne caféicole précédente. Ces sanctions ont été annoncées par le directeur général de l'agence de régulation de la filière café ce vendredi à Ngozi. C'était au cours d'une réunion d'évaluation de la campagne précédente et de préparation de celle de cette année 2019. Une réunion rehaussée par la présence du président de la République du Burundi. Donc aussi, nous appelons notre correspondant Apollinaire Muzagara. Au cours de cette réunion d'évaluation des recommandations prises le 23 novembre 2018 à Genda, le constat est que certaines sociétés et coopératives opérant dans le secteur café n'ont pas honoré leurs engagements comme sanction. Neuf de ces dernières se sont vues retirer le droit d'acheter du café au cours de cette campagne 2019 qui s'annonce bientôt. Il s'agissait, selon le directeur général de l'agence de régulation de la filière café, de payer les caféiculteurs avant le délai du 31 décembre de l'an passé, de rapatrier les devises et de payer les taxes communales issues de la vente de cette culture d'exportation pour la campagne café 2018, chose qui n'a pas été faite. D'ailleurs, a insisté le directeur général de l'ALFIC, des mesures contraignantes seront bientôt prises à l'endroit de la société Risca, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore payé ses clients caféiculteurs de la campagne Café 2018. C'est dans cette optique qu'avant le début de la campagne 2019, qui s'annonce bientôt, des décisions importantes allant même à la révision des lois régissant ce secteur vont bientôt être prises dans l'intérêt des caféiculteurs et du pays, a conclu le directeur général de l'ARFIC, ingénieur Emmanuel Niyungeku. Cette réunion qui a vu la participation de tous les intervenants dans le secteur café a été par après dirigée par le président de la République du Burundi, Awiklu Dongozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Libération à la mi-journée de ce vendredi d'un certain Eric Nonsguenayo par le parquet de Rumonge. Cet homme de Karonda avait été conduit à la prison centrale de Rumonge ce mardi alors que le tribunal de grande instance de Rumonge l'avait acquitté dans une affaire de preuves superstitieuses et pratiques barbares 5 jours avant. Radio Isanganiro, chronique environnement. Parmi les conséquences de l'acidité du sol, il y a le changement de la végétation, mais aussi la terre produit peu et sans éléments nutritifs. Salvatore Kawoneka, professeur d'université, explique qu'au fur et à mesure qu'on cultive un sol acide, il continue à se dégrader. La chronique environnement avec Christella Nizigama. Dans notre précédente chronique environnement, nous vous avions parlé du phénomène de l'acidité du sol. Celui-ci se retrouve dans des zones caractérisées par une forte pluviométrie et cette acidité du sol est due à la présence de l'aluminium dans le sol. Salvatore Kawoneka, professeur d'université, explique que cette acidité entraîne des conséquences sur le sol. Sur le sol, c'est l'appauvrissement total, justement, l'appauvrissement chimique, donc un sol acide, un sol pauvre, certains éléments comme le cation, les cations basiques, calcium, magnésium, potassium, pauvre en matière organique. Parce que ce que peut-être les gens devraient savoir, c'est que la matière organique a un rôle double. Non seulement il libère, il fournit certains éléments nutritifs, comme l'azote, le potassium, notamment à la plante, mais il permet aussi d'améliorer les propriétés physiques du sol, en termes de porosité, infiltration, perméabilité de l'eau dans le sol, aération. Qui dit aération dit circulation de l'oxygène, qui dit circulation de l'oxygène dit activité microbienne améliorée, respiration racinaire améliorée. Donc, autrement dit, même si tu considères la partie matière organique et relation avec l'acidité, donc il y a un problème de qualité de la matière organique dans le sol qui est dû à cet effet de l'acidité. Ça, c'est l'une des conséquences. D'autres conséquences qu'entraîne cette acidité du sol, il y a changement de la végétation. Alors, la conséquence environnementale, la végétation change. L'une des caractéristiques des sols acides, c'est une certaine végétation spécifique. Il y a une relation entre les lagrostis ou la végétation, si vous voulez, on les appelle des plantes indicatrices, et la situation en dessous. Là où vous trouverez les lagrostis, le sol est pauvre. Autrement dit, les lagrostis, c'est pour ceux qui font l'élevage, c'est un fourrage pauvre. Donc, autrement dit, un sol pauvre, finalement, ne permet pas de nourrir l'animal proprement. Pour ce professeur, cette acidité du sol est source de malnutrition, étant donné que la terre produise peu et sans éléments nutritifs nécessaires à la croissance. La source de la malnutrition ici au Burundi, de mon côté, de mon point de vue, c'est cette pauvreté des sols qui fait que les éléments nutritifs sont tellement limités dans ce sol que leur absorption ne permet pas un meilleur équilibre des éléments nutritifs dans la plante. Lorsque le cultivateur continue à cultiver sur un sol acide, il arrive à un moment où ce sol n'est plus productif. Dans certains pH, s'il est acidifié suffisamment, il n'est plus productif. Sur un sol acide, s'il n'est pas corrigé, vous ne pouvez pas vous attendre à une production quelconque. C'est très faible. Pour ce professeur d'université Salvatore Kawoneka, il faut recourir aux méthodes naturelles de correction et de prévention de cette acidité du sol. Rendez-vous dans la prochaine chronique environnement. Merci Christella Nizigama, merci professeur Salvatore Kawoneka pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Une très bonne journée. Oh.